Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1, sur le poste radio, une aventure qu'on peut aussi écouter à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. C'est en écoutant le très bel album des Québécois Patrick Graham et Sarah Pagé que m'est venue l'idée de vous présenter aujourd'hui des créations sonores et musicales concoctées par des duettistes, ces gens qui chantent ou bien qui jouent en duo. Même si on est généralement familier avec le concept de duo, je vous remémore les origines linguistiques tout de même et les pratiques qui en découlent. Il faut savoir d'abord que l'origine étymologique du mot appartient au domaine de la musique. Et oui, parce qu'on nommait duo en latin ou bien en italien duetto, les compositions musicales pour deux voix ou bien deux instruments de musique. Les déclinaisons du mot duo sont évidemment multiples de nos jours. Eh bien, on pense à des personnes ou des choses reliées entre elles, comme un duo d'aventuriers, Robinson et puis Vendredi, duo de complices, Tintin et Milou, ou encore d'humoristes, les Denis pour prendre un exemple. Mais quand on explore un peu plus la notion, il y a des définitions du mot duo qui me semblent refléter l'esprit qui a guidé ma sélection de ce soir. Définition qui souligne l'esprit de proximité attaché à ce mot pris dans le sens d'un dialogue entre deux personnes, dialogue portant généralement sur des sujets qui les concernent intimement et dans le sens aussi d'interaction et d'écoute mutuelle que m'inspire à ce sujet, les réflexions du compositeur Navajo Raven Chacon à propos des formes musicales partagées entre musiciens. C'est exactement cette idée du dialogue, de l'écoute et de l'interaction mutuelle entre artistes, compositeurs et interprètes qui m'amène ce soir à vous présenter les travaux de Christine Hott et de Mathieu Gabry, réunis sous le nom de Snowdrops, de Karen Constance et Dylan Niokis, instigateurs du réputé label Chocolate Monk, réunis sous diverses identités. Et ceux de Patrick Graham et de Sarah Pagé qui font œuvre commune pour un projet intitulé « Littoral States ». Et c'est avec Patrick et Sarah que je débute la soirée avec une création intitulée « Beyond the Veil ». C'est tiré de l'album « Littoral States ». On écoute ça, Sarah Pagé, Patrick Graham. Thank you. Eh bien, on vient d'entendre Littoral States, c'est le projet de Patrick Graham et de Sarah Pagé. J'emprunte à Andrew Patterson quelques lignes qu'il a rédigées sur ce projet, beau projet de dialogue musical, la dimension parfois oubliée du travail en duo. Littoral States est un album qui explore des affinités artistiques au-delà du temps, du lieu, des traditions et des médiums. Les musiciens montréalais Sarah Pagé et Patrick Graham utilisent un éventail unique d'instruments, dont la harpe, le koto basse, le sarangi, les percussions, le waterphone et le hammon et les bidules électroniques. Tout ça pour évoquer des textures abstraites inspirées notamment par l'artiste visuelle bruxelloise Tamar Kasparian. Littoral State est une musique sans paroles qui s'enracine dans un profond sentiment d'affinité, d'émerveillement et d'angoisse inhérente à l'ère anthropocène. Je referme mes guillemets dans cette veine. On les écoute, nos interprétés, leur composition intitulée Tempest, un émouvant dialogue orchestré par l'idée de temps actuels forts, tempétueux. On écoute ça. Sarah Pagé, eh bien, je vous parle un peu de son travail. Elle performe à la harpe et Patrick Graham le fait, lui, aux percussions. Littoral States nous raconte la correspondance artistique qu'ils ont entretenue au plus fort de la pandémie. Tous deux originaires de la même petite banlieue de Montréal, Greenfield Park, si je me souviens bien. Ils se trouvent des affinités de hasard, même professeurs de musique pendant leur enfance, à peu près les mêmes écoles, du primaire à l'université. Ils se passionnent pour les formes classiques japonaises et le folk irlandais. Alors, tous deux adeptes de musique improvisée, ils partagent un penchant pour l'instrumentation acoustique assortie de traitements électroniques. Compte tenu de leur chevauchement géographique et de leurs parcours musicaux spécifiques, raconte le journaliste Andrew Patterson, c'est plutôt incroyable qu'ils n'aient jamais collaboré et encore moins qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Littoral States est l'histoire de cette rencontre attendue, histoire de dissoudre les frontières et de mixer du savoir à de l'inconnu. Bon, une très belle piste à réfléchir. Alors, on écoute cette fois un extrait d'une création intitulée Burning. C'est tiré de Littoral States, du duo formé par Patrick Graham et Sarah Pagé. Un album tout chaud, sorti en janvier 2025. Très bel album, on écoute ça. Thank you. Dans un esprit à la fois de continuité avec ce qu'on vient d'entendre, notamment par l'exploitation numérique des instruments acoustiques, je vous présente maintenant les travaux d'un duo qui s'est donné pour nom Snowdrops, un duo formé par la réputée musicienne aux ondes Martenot, Christine Hott et du multi-instrumentiste Mathieu Gabry. Ils ont produit de nombreux spectacles, créé ensemble de la musique de film et développé des projets de création sonore assez brillants. Je vous propose qu'on entre dans cet univers depuis cet album intitulé Singing Stones, c'est le volume numéro 1. Un premier d'une série de compositions raconte Hott et Gabry célébrant le temps lent et le temps long entre ambiance post-classique, musique de chambre progressive et écoute profonde. Tout un programme. Le duo Christine Hott et Mathieu Gabry développe son alchimie de timbres analogiques et acoustiques dans un style tantôt intérieur, intense, narratif ou onirique, et parfois tout cela à la fois. Je referme les guillemets de ce qu'on retrouve dans leur descriptif. On écoute donc un premier titre intitulé « Corridor », c'est tiré de ce bel album nommé « Singing Stones », un titre qui est dédié au réalisateur thaïlandais Fitou Chong, Harun Feng, pour qui Snowdrops a composé les bandes originales de ses deux premiers longs métrages, Manta Ray en 2018 et Morrison en 2023. Corridor s'inspire de ce deuxième film et la pièce se construit comme une petite symphonie de souffle en quête de présence et de sens. On écoute cette pièce intitulée Corridor, c'est tiré de l'album Singing Stones de Mathieu Gabry de Christine Hott. Eh bien, voilà ce qui complète la demi en compagnie de Mathieu Gabry et de Christine Hutt, un duo réuni sous le nom de Snowdrops. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89. CKRL. Radio. Vous écoutez? La Croche-Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec et qu'on retrouve à ckrl.qc.ca sur la toile pour ceux qui sont au-delà des ondes hertziennes. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. J'accueille des projets de création sonore et musicale issus d'artistes travaillant en duo. Ces artistes qui développent depuis leurs démarches respectives un dialogue artistique qui les amène, bon, on va dire ça comme ça, au-delà de leurs attentes habituelles. Et je poursuis donc l'écoute qu'on a entamée avec le collectif Snowdrops, un duo formé des musiciens, musiciennes Christine Hutt, compositrice et interprète réputée aux ondes Martineau, et de son collègue Mathieu Gabry, multi-instrumentiste, qu'on retrouve ce soir au clavier, vielle à roue et vibraphone. Formé en 2015, on raconte que le duo Snowdrops puise son inspiration dans une combinaison unique de musique classique contemporaine, de jazz, de musique électronique et de musique de film, point de départ de leur collaboration. Je vous propose qu'on écoute une autre pièce, celle-là intitulée « Ligne de Mika », pièce dans laquelle on retrouve l'accordéon rêveur de Bartosz Chouak qui colore subtilement l'ensemble, jouxté aux textures particulières des ondes Martineau, du synthétiseur analogique et de, l'accordéon basse. Trois dimensions instrumentales qui se répondent, s'annulent parfois ou se révèlent comme l'œuvre elle-même, dans un geste à la fois minimaliste et expansif. Je referme les guillemets. Voilà, on écoute « Ligne de Mika ». Je vous fais maintenant lecture d'un extrait du journal The Guardian à propos du travail de Christine Ott aux ondes Martineau. Christine Ott, qui est l'une des plus grandes interprètes de cet instrument, curieux et fabuleux. Alors, j'ouvre les guillemets. Alors qu'il travaillait comme opérateur radio pendant la Première Guerre mondiale, Maurice Martineau fut fasciné par les ondes sinusoïdales pures produites accidentellement par les oscillateurs radio, ces bruits parasites qu'il entendait en cherchant un signal. Violoncelliste de formation, Martineau chercha des moyens de manipuler ces signaux pour construire son propre instrument. En 1928, il crée les ondes Martineau, un étrange proto-synthétiseur où la hauteur de plusieurs oscillateurs radio est contrôlée par le déplacement de la main droite sur un ruban électrique, tandis que le timbre est manipulé par l'actionnement d'un losange tactile de la main gauche. Le son fantomatique et sans frottement de l'instrument devint populaire auprès de nombreux compositeurs, dont Messiaen, Didon, Boulez, Varèse. Plus récemment, pour l'anecdote, par Johnny Greenwood du groupe Radiohead. Et les ondes Martineau deviennent un incontournable des bandes originales de films d'horreur, notamment. Après l'avoir joué un temps dans le groupe de Jan Tiersen, Christine Ott explore les ondes Martineau multipistes en duo avec l'instrumentiste Mathieu Gabry. Toujours tiré de ce bel album intitulé Singing Stones, on écoute un extrait d'une création intitulée Arctic Passage, voyage mystique selon les compositeurs, composé tout ça d'électro-jazz un peu baroque, mélange contemporain et répétitif de piano et d'ondes Martineau évoquant une traversée nocturne au milieu des glaces, des icebergs en décomposition. Vous imaginez la suite, on écoute ça, passage de l'Arctique. Eh bien, c'était un passage de l'article, une création du duo Snowdrops formé de Christine Hott et de Mathieu Gabry. Bon, cette affaire de duo, eh bien, on retrouve tout de même de nombreux duos dans la sphère des musiques d'expérimentation et de la création sonore. Bon, je pense entre autres à Veda Hill et Christophe Migonne, à Caroline Gagné, Christophe Havard, à Dorion Massecard, à Béchard Hudon, à Gauthier Saint-Pierre, à Dumas Calon, les Scandinaves Maj et Gunnar Stentevold, les Français Pierre Verdé, toutes et tous des artistes qui développent un singulier dialogue sonore, souvent environné d'horizons transdisciplinaires. Et c'est à deux qu'ils développent de brillantes personnalités artistiques. Alors, les artistes que je vous présente maintenant font partie de ces personnalités artistiques tout à fait impossibles à saisir de par le caractère déjanté ou bien abracadabrant de leurs propos sonores. Je vous présente, pour compléter l'émission, des travaux d'un duo formé par le couple Karen Constance et Dylan Niukis, qui ont diffusé des œuvres sous leur propre nom, mais aussi sous divers intitulés Constance et Niukis, Vinyl Lodge, Blood Stereo. Installés à Brighton, en Écosse, on les connaît pour diffuser des travaux hors normes en matière sonore et musicale sur le réputé label Chocolate Monk. Alors, pour se mettre dans le ton, on écoute une piste tirée du projet Bruit de fond pour manger de la soupe, Background Noise for Eating Soups. C'est un collage audio et visuel dément, racontent les créateurs, de lourds découpages de bandes magnétiques avec des gadgets pour former un disque accompagné d'un livre couleur de 24 pages réalisé avec de vieux bouts de magazine. Une merveille pour les yeux. Je referme les guillemets, on écoute ça. C'est la piste numéro 4 de cet album intitulé Background Noise for Eating Soup. Thank you. Eh bien, je vous parle un peu de ce duo. Elle, Karen Constance, est une artiste visuelle écossaise dont les œuvres sonores sont le fruit de collages minutieux, de bandes magnétiques, tout ça jouxté à des appareils électroniques et toutes sortes d'objets connectés à des micros. Elle a travaillé avec de nombreux créateurs de la scène expérimentale et lui arrive de travailler à titre de commissaire du Festival de musique et de cinéma expérimental Color Out of Space de Brenton. Lui, Dylan Newkiss, est un ancien membre de groupe heavy metal. Il est demeuré un expérimentateur audacieux qui explore des sons improvisés d'une beauté qualifiée par un critique de cauchemardesque. Ça promet donc son travail vocal, solo et sur bande, dit-on, repousse les limites des possibilités expressives offertes par la physicalité amplifiée, tandis que son rejet de toute forme de contexte théorique le libère de l'asservissement à un programme spécifique. Bon, c'est un couple dépareillé, on va le dire, et on écoute pour clore la soirée une ou deux créations tirées de l'album Brin, comme on dit, un brin de quelque chose. Tout ça pour souligner, de dire Constance et Newkiss, la mort de leur célèbre duo intitulé Blood Stereo. On écoute ça. Eh bien voilà, ainsi s'achève l'émission de ce soir en compagnie des artistes en duo, je le souligne, Patrick Graham, Sarah Pagé, Mathieu Gabry et Christine Hott, Darren, Constance et Dylan Newkiss. Je leur dis grand merci à chacun d'eux de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, ainsi qu'aux nombreux collaborateurs, collaboratrices qui les accompagnent dans leurs aventures sonores. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que les émissions pour écoute ou réécoute à votre guise. Voilà, restez des nôtres, c'est Rock Medium qui s'amène dès 22h. Et quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.